yo, yo, yo, yo. Yeah, c'est l'heure du crime. À chacun son tour de briller. C'est l'heure du crime. Yo. Oh, c'est à moi que tu parles. Lâche ton arme, on s'en balle entre les yeux dans une boîte, c'est comme ça que tu repars. Yeah, et démarre la caisse pour une virée boy. Et ouvre le coffre, on s'affrappe, boum boum, c'est sûr tu resteras pas debout. On manie la poudre, frappé par la foudre, ouais c'est capouche, c'est ça, mais tu me connais tout. C'est l'heure du crime, y'a un drôle de climat. Dangereux pour ça, on est encore dans l'anonymat. Les yeux rouges chez nous, les mondes traînent tard au bois avec leur putain de feu. Encore plus gros que leur queue. Écoute, c'est la rue qui tire des bastos sur mon son en passant. Je voulais MC sur talent aiguille sans clash. Faut que je m'arrache vite, c'est l'heure du crime. Y'a les autres qui poussent, moi je fous le rap sur orbite. C'est l'heure du crime. C'est l'heure de sortir les armes. C'est l'heure de faire la guerre. C'est l'heure des règlements de compte. C'est l'heure d'une balle dans la tête. C'est l'heure du crime, je dis du sang pour du pif. La rue a pris les armes, ils trouvent du crime sur ta ville. C'est l'heure de sortir les armes. C'est l'heure de faire la guerre. C'est l'heure des règlements de compte. C'est l'heure d'une balle dans la tête. C'est l'heure du crime, je dis du sang pour du pif. La rue a pris les armes, que je protège ta vie. C'est l'heure du crime, sur la temple chrome, on y guette ton trône, ami. C'est l'heure du crime, quand les poteaux donnent ton nom, Mani. Quand Mano à Mano, le man a pris ta vie. Quand la mère à Manu, a vu son fils à terre, combattant à main nue. Quand cette pute donna son cul, t'avais ouvert ton cœur à cet enculé de frère qui veut baiser ta sœur. C'est l'heure du crime, quand les rôles sont plus sincères, quand le bien on censure, et que le chétan devient ton père, ouais. C'est l'heure du crime quand y'a tournante. Ben ouais mon frère, on retrouve l'heure du crime quand t'as une balle dans le ventre. Quand y'a vendetta, quand y'a boule D sur toi à 30. En traite, on trouve la peau, pour y'en te met une transe. Sale trip, c'est l'heure du crime, c'est centième. Quand les mômes s'attrapent, ça trop et c'est trip, ouais. Bienvenue dans la cour des homicides, des crimes et délits. 400 yens et Del Chrome. C'est l'heure de sortir les armes. C'est l'heure de faire la guerre. C'est l'heure des règlements de compte. C'est l'heure d'une balle dans la tête. C'est l'heure du crime, je dis du sang pour du pif. La rue a pris les armes, ils trouvent du crime sur ta vie. C'est l'heure de sortir les armes. C'est l'heure de faire la guerre. C'est l'heure des règlements de compte. C'est l'heure d'une balle dans la tête. C'est l'heure du crime, je dis du sang pour du pif. La rue a pris les armes, et je protège ta vie. J'attends mon heure depuis mon bloc son. Tous calibrés, mes rôles m'ont daté pour le crime dans la peau. Les gros du fric de la taupe, les filles de la côte, les cris de la tôle, sang d'afflique dans la peau. Yeah. Ça sent la mort violente, les crimes de sang-froid et les embrouilles, ça flingue pour nom, faut pas. Tester la hyène, c'est mourir. Demande à Delta, baiser le rap de le fourrir. On démarre 900 frappes, ton clan, un pack de flaques de sang. Automatique, la balistique, 9K7, 8. Yeah, yeah. Mais dis-toi bien que s'il y a trace, ton corps finit sous un drap. C'est l'heure de sortir les armes. C'est l'heure de faire la guerre. C'est l'heure des règlements de compte. C'est l'heure d'une balle dans la tête. C'est l'heure du crime, je dis du sang pour du pif. La rue a pris les armes, ils trouvent du crime sur ta vie. C'est l'heure de sortir les armes. C'est l'heure de faire la guerre. C'est l'heure des règlements de compte. C'est l'heure d'une balle dans la tête. C'est l'heure du crime, je dis du sang pour du pif. La rue a pris les armes, et je protège ta vie. C'est l'heure du crise et l'époque, c'est la crise, c'est la mort, on t'aura prévenu. Les frères, mets-toi en piste, c'est un bonhomme. Bah ouais, c'est un bonhomme. C'est l'heure du crise et l'époque, c'est la crise, c'est la mort, on t'aura prévenu. Les frères, mets-toi en piste, c'est un bonhomme. Bah ouais, c'est un bonhomme.